Le plan de cette semaine à Assemblage Requis. On parle des sorties d'albums des trois dernières semaines. Et on soit le Husky, Lake of Stu et Daniel en entrevue. Assemblage Requis débute maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Fanny Gagné, remplaçante de Kiwan. Ben oui, j'allais te demander, mais t'es qui toi déjà? Eh oui, Kiwan est rendu avec une voix très féminine. Ça y fait bien en tout cas. Ah, j'espère. Tout te va à merveille, Kiwan. Je peux-tu t'appeler Kiwan pour le reste de la session, juste pour le fun? Ah ben oui, pourquoi pas. Garder l'habitude. Tu tombes très bien aujourd'hui, Stéphanie, pour ta première émission avec moi. On a un plan extrêmement chargé, plus que d'habitude. Là, on a tellement de choses de prévues pour vous. Commençons par les entrevues qu'on va avoir d'ici la fin de l'émission. On va recevoir le Husky vers les 16h par téléphone. Ça va être très intéressant. On va parler de son plus récent album, La Fuite. On va aussi avoir Lake of Stu et Daniel en entrevue, eux, qui vont être en spectacle à Trois-Rivières très bientôt. On va parler de ce spectacle-là. Absolument. Ensemble. Il va aussi avoir une chronique de ton plat favori que je vais poursuivre. Mais que Kiwan va poursuivre, je veux dire. C'est ça, ben oui. Kiwan va prendre la place de Stéphanie dans ton plat favori. Aussi un retour sur les mardis de la relève et aussi on va parler de la semaine prochaine, la dernière demi-finale. D'accord, moi je vais vous faire une petite chronique technologique CNX. Aujourd'hui on va parler de gadgets, ou des gadgets qui soient inutiles ou inutiles. On devrait aussi avoir quelques faits divers que je sais que t'adores. Ah oui! T'informer sur ces beaux petits faits-là qui sont tous véridiques, vérifiables et véritables. Tout ça plus un paquet de bonne musique et d'ailleurs c'est avec ça qu'on va commencer de la musique comme on a l'habitude de le faire depuis toujours. Ben oui! On continue ça avec toi, toi. Oui, on va commencer avec Kasabian et je viens de lire que Kasabian a annoncé il y a 3 jours qu'ils sont en train de compléter leur 4e album dans un studio de San Francisco. Ouh. Et c'est supposément leur meilleur travail jusqu'à maintenant, alors ça reste à voir, mais là on va écouter une pièce de leur dernier album, leur 3e album, et ça va être la pièce Underdog tirée de leur album West Rider Popper Lunatic Asylum. Comment répète déjà? Ça? Refrainable Asylum. West Rider Popper Lunatic Asylum. West Rider Popper Boubouboubouboubou. Exactement. À peu près. T'as tout compris. C'est meilleur que les Beatles, tu disais? Non, non, non. Mieux écrit que la Bible. C'est ça? Peut-être, oui. Peut-être. Sûrement, en fait, pas mal tout est meilleur que la Bible. Hein? Ouais, pour nous autres, oui, je pense. C'est ça. Voilà. Vous êtes à Assemblage Requis au 89 FM. your sad love. Écoutez, Assemblage requis avec Stéphanie et Mathieu. Mmh. Oh oui. Oh oui! À Assemblage requis, on vient d'entendre la pièce Dominoes de The Big Pink tirée de leur album A Brief History of Love. Excellent. Oui, excellente pièce qui a déjà été dans ton plat favori. Pas le mien, le tien. Non, le mien. Ta chronique, ton plat favori. Ma chronique. Qu'on va faire tantôt dans l'émission d'ailleurs. Oui. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission du retour estivale en pièces détachées et maintenant c'est le moment de la chronique technologique CNX. CNX, la chronique de la vie de la nature. tesh.tesh.com. Oh, il y a encore la roulette. Oh, attention. J'avais jamais entendu cette partie. Go, go, gadget. Ben oui. C'est écœurant. Ah, la chronique technologique CNX. Aujourd'hui, on parle de gadgets. Stéphanie Gagné, toujours avec moi, bien sûr, dans cette chronique-là. Et puis, tu vas entendre parler de gadgets qui sont souvent tout à fait inutiles, mais en même temps, des fois, tellement dons appropriés et utiles pour une tâche que tu as à accomplir ou quelque chose du genre. Donc, on va voir si je suis d'accord. Pas sûr pour la plupart, moi, en tout cas. Commençons avec un merveilleux casque Doctor Who. C'est le Judoon Voice Changer Helmet. C'est un casque que tu mets sur ta tête et qui te permet de changer ta voix et de parler comme un Judoon Officer dans Doctor Who. Série que j'écoute pas, mais que je sais que Simon Fitzbay adore. Une série télé, un personnage là-dedans, dans Doctor Who. Et ça te permet de parler avec cette voix-là. Ça coûte 30$. C'est sur le site Fashionably Geek. Est-ce que t'as un iPhone ou un iPod Touch? Non. Non. Bon, bien des gens vont dire non à ça. Il y a des gens qui vont dire que c'est beaucoup trop cher. Mais pour ceux qui en ont un, et vous avez peut-être jamais eu de problème avec ça pour tenir un iPhone debout pour regarder un film, par exemple, peut-être que vous mettez contre une pile de vêtements ou n'importe quoi. Eh bien, ici, ce petit gadget-là tient ton iPhone, ton iPod Touch à un angle. Ça s'appelle le Eye Angle. Mais en plus de ça, ça a plusieurs tâches comme petit gadget de plastique. Ça te permet d'enrouler tes écouteurs et de les snapper dedans. Donc, littéralement, tu défais ton petit gadget, ça te fait un support pour ton iPhone, puis après ça, tu remets tes écouteurs dedans. Ça coûte juste 10$. Je trouve que c'est vraiment très, très bien. C'est fait de plastique. C'est merveilleux. J'adore ça. Très inutile. Tout à fait. Une chose qui est peut-être plus utile pour les voyageurs dans ce cas-ci, si vous voyagez une fois de temps en temps, vous savez que les charges additionnelles s'ajoutent assez rapidement quand on a beaucoup trop de bagages. Donc, comment éviter ces frais-là? C'est d'avoir un petit peu de connaissances. Premièrement, il faut connaître les politiques de votre compagnie aérienne, si on veut. Et une fois que c'est noté, vous achetez cette valise-là. Et puis, il y a un petit écran LCD et une pesée qui apparemment n'ajoute pas de poids tant que ça à votre valise. Et ça va vous dire sur l'écran combien votre valise pèse. Hein? Une self-weighing suitcase avec donc une petite pesée dans la poignée, un écran LCD, c'est merveilleux, j'adore ça. Ça coûte 105$, quand même assez cher, mais évidemment, si ça vous économise de l'argent à chaque fois que vous voyagez et que vous n'avez pas à peser chaque affaire, après ça, peser votre valise puis faire le moins du poids de la valise, moins le poids de ce qu'il y a dedans, puis là, finalement, t'arrives, puis c'est 2 livres en haut de ce qui était permis, puis là, ben ça te coûte cher. En tout cas, donc ça s'appelle... en fait, je pense pas que ça ait de nom tant que ça. Self-weighing suitcase, d'accord. Tiens, un autre casque, celui-là, est plutôt spécial. C'est le Review Helmet, qui permet à la personne qui est en moto de voir en avant et en arrière en même temps. Tout ça sans aucune électronique à l'intérieur. Aucune électronique. Donc, c'est seulement fait avec des miroirs. Mm-hmm. Le Review vous permet de voir les deux en même temps. Donc, c'est fait avec une surface là, de polycarbone réflectif, ou je sais pas comment t'appelles ça, à la place de la vitre, ce qui fait que c'est beaucoup plus léger qu'un casque de moto habituel. Et ça ne brise vraiment pas facilement. C'est presque impossible de la casser. Donc, c'est important pour quand t'es en moto, les accidents, etc., etc. Ça coûte environ 375$. C'est le MSX One Helmet. Et la compagnie qui est derrière ça dit que des fois, ça peut être difficile de s'habituer à voir en avant et en arrière en même temps parce que littéralement, tu vois en haut de ta vision, si on veut, tu vois ce qu'il y a en arrière de toi. Oh, mais il n'y a pas des miroirs sur des motos faites pour ça. Ouais, tu vois pas tout dans ce temps-là, là, ton angle mort. T'as-tu pensé à ton angle mort, Stéphanie? Non, j'avais pas pensé à mon angle mort. Ben, c'est mon ça. Dieu. Ouais, ben, commence pas avec ton Dieu, toi, là. voilà donc pour ce casque-là. Ensuite, un grille-pain. Alors, parlons de nourriture. Moi, en tout cas, ça me touche automatiquement quand tu me parles de rôti, surtout, des toasts. Hein? C'est un grille-pain Kenwood. C'est le TTM 100 grille-pain à deux tranches de pain qui utilise 50% moins d'énergie qu'un grille-pain normal. Pourquoi? Ben, à cause de quelque chose de super simple et qui aurait dû exister depuis tellement longtemps. Un nouveau processus de bouton sur le côté qui vous permet d'arrêter un des deux côtés. Comme ça, quand t'as juste une tranche à faire cuire, ça prend la moitié d'électricité. Vous. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est utile, par contre. Vraiment génial. Très, très rare quand même qu'on mange juste une rôtie. En tout cas, pour moi. Bah, pour moi, ça arrive. Ouais, ça peut arriver. 60$ pour un grille-pain, quand même, c'est cher. Mais bref, j'aime l'idée, j'aime le concept de juste arrêter d'utiliser deux tranches au lieu d'une quand on a besoin juste d'une. Tiens, quelque chose qui va sûrement te toucher dans ce cas-ci pour les deux prochains, en fait, gadgets ou concepts, si on veut. Si récemment, vous avez gagné le million, je sais pas pourquoi, vous êtes rendu vraiment très très riche, là. Peu importe, gagner la loterie, bon. C'est un nouvel appareil qui est un spa barre oblique douche en même temps. C'est comme un combo bain douche et spa. Voilà. Donc, c'est la compagnie Gemy qui fait ça, G-E-M-Y. Et là, il faudrait aller voir l'article sur assemblagerequis.com pour voir de quoi ça a l'air. Mais c'est littéralement un spa avec un truc pour se tenir et tout ça, des bulles, etc. Et une douche en haut. Et t'as comme un genre de petit écran de télé que t'as là-dessus. Puis il y a même la technologie de ozone sterilizing, la stérilisation d'ozone que les gens normaux n'utilisent pas et survivent sans. Mais apparemment que si t'as beaucoup d'argent, t'as pas le choix d'avoir de la stérilisation d'ozone. J'aime ça. Il y a bien des piscines, il y a bien des maisons qui ont des piscines en arrière, oui. Surtout aux endroits où il fait plus chaud, hein? Hein? Surtout, hein? Pas vraiment, mais bon. Bref, ici, c'est est-ce que c'est un hôtel? Oui, c'est une villa où on peut passer ses vacances dans le luxe. C'est en Thaïlande, avec une glissade d'eau de 256 pieds de longueur. Ça a été inventé par Lulu Holidays de Hong Kong. Hein? Et en plus, dans la place, dans la maison, là, l'espèce de villa, etc., t'as une super belle cuisine, une table de bière, etc. Mais pourquoi utiliser ça quand t'as une grosse glissade d'eau qui part du dernier étage en haut et qui glisse jusqu'en bas? C'est super bien fait. J'aime ça. Bon. Les emballages de piles ordinaires qu'on achète au magasin nous disent tout le temps on peut pas recharger les piles normales parce qu'elles peuvent fondre, elles peuvent prendre en feu, elles peuvent exploser, elles peuvent détruire l'univers. Là, ça va faire 2012 power. 2012, c'est à cause de ça, 2012. Bref, grosse menace. Le chargeur ici, le chargeur ReZap, s'en moque. Oui. Selon ses créateurs, ce machin utilise des microprocesseurs intelligents et un logiciel spécial qui lui permettent de recharger toutes sortes de piles de tous les formats, de 4A à D, en passant par les batteries 9 volts, et ce, sans risquer de causer des dégâts, tout en douceur. Chaque pile est analysée à l'insertion pour que le ReZap puisse déterminer la méthode à suivre. Une pile typique pourrait ainsi être rechargée une dizaine de fois avant d'aller finir sa vie dans le bac de recyclage de votre magasin électronique préféré. Bien sûr, on peut se méfier d'une compagnie, dit l'article, qui affirme posséder des microprocesseurs intelligents, mais on dit que les piles rechargeables coûtent cher et ne durent pas éternellement non plus. Alors peut-être que ça vaut la peine de l'essayer. Ça coûte 60$ via Coolest Gadgets. Donc tes piles sont terminées. 10 recharges. Après ça, c'est comme un chat, mais plus un. C'est 9 vies, un chat. 9 vies? Ouais. Ouais. C'est vrai, ça? On sait pas. Je sais pas. Mais c'est pas si cher que ça, des batteries rechargeables. Non. Puis moi, à date, il n'y en a aucune qui est morte. Depuis des années, j'ai les mêmes batteries rechargeables. C'est vrai. Moi aussi, quasi éternelles. Quasi. Puis après ça, quand t'en achètes d'autres, ben, t'as au moins sauvé de l'argent et la planète, peut-être. Voilà. En tout cas, bref. Difficile de se distinguer de la compétition dans le marché de plus en plus surchargé du cadre numérique, nous dit le prochain article de Branchez-vous à Gadget. D'autant plus que le nombre d'appareils multifonctions comme le iPad et le iPhone peuvent servir de cadre lorsqu'on les utilise pas pour autre chose. Un petit cadre peut-être là avec un iPhone, mais un iPad ça pourrait être pas si pire. Bref, le Mojito de la compagnie Blue Lounge est presque un ordinateur complet. Outre les habituelles photos, le Mojito peut afficher des vidéos, des nouvelles, des contenus audio. On peut le relier à ses comptes sur les médias sociaux comme YouTube, Bulletin Météo, compte Facebook, compte Twitter. Il y a une interface web qui permet de le connecter à une variété de sources comme celle-là et de les organiser en liste d'écoute. Par la suite, on reçoit des mises à jour sur une base régulière, parfois en moins de 30 secondes pour certains services, et on peut contrôler tout ça avec une télécommande. Donc, c'est un hybride entre un cadre numérique et un moniteur satellite pour son ordinateur. Écran 7 pouces de diagonale, ça coûte environ 300$. C'est disponible en pré-vente. En fait, ça va l'être bientôt. C'est pas encore sorti. Et c'est via Gadget Review. Plus rapidement pour les prochains, tiens, t'as un besoin. Je sais que ton bureau, entre le mien, je vais parler pour moi, mais je vais te le renvoyer comme si c'était toi. Ton bureau est sale. Il y a des canettes de liqueur comme un petit peu partout. Ça. Ouais. Le ouais, tien, je vais dire oui, je vais dire ça. Oui. En fait, ben ce prochain gadget, c'est un aspirateur à la style Zamboni. En tout cas, son look ressemble vraiment à une Zamboni. Ça coûte c'est 16$ américains. On peut le précommander. Ça sort en septembre 2010. Donc, c'est un aspirateur en forme de Zamboni qui va se promener sur ton bureau et tout nettoyer ça. C'est gros comment? Ah, ça dit pas, par exemple. J'irais gros comme Tom Cruise. Tout petit. Me semble, quand t'as dit Zamboni, je me suis dit... Ouais, ça peut-être va, pas. Ouais, ça va juste prendre plus de place encore que déjà tous les déchets qu'il y a sur mon bureau. Je veux dire sur ton bureau. Ouais, sur mon bureau. Sur ton bureau. Ouais. Un autre besoin que tu as à combler ici, de faire des œufs le matin, c'est donc difficile. C'est donc difficile. Donc, le Bang Bang est un produit concept, donc ça n'existe pas encore, qui révolutionne comment on fait cuire des œufs en utilisant la méthode pop-up d'un grille-pain. Hein? Donc, on insère les œufs dans des trous. Hein? Et l'eau. Hein? L'eau, tu connais ça? L'eau, entre guillemets. L'eau. Est versée dans un genre de petit compartiment. Et puis, les œufs ensuite descendent avec l'aide d'un levier, ils vont automatiquement remonter après avoir été cuits à l'intérieur à la perfection. Ce serait des beaux petits œufs, tu sais. Comment on appelle ça? Des bénédictes. Ouais. C'est pas bénédict, ça. Hein? C'est pas ça. Mais je sais quoi tu parles. Les œufs qui sont avec la coquille, là. Ouais. Mais pourtant, c'est pas très compliqué de faire cuire des œufs. Moi, j'ai un petit truc, là, vu que je cuisine pas. Un petit truc genre Dollarama, là. Tu mets tes œufs là-dedans, puis tu mets ça au micro-ondes. C'est génial. OK, ben c'est un gadget, ça aussi. T'es pas en train de chialer contre mes gadgets parce que c'est un gadget, ça aussi. Oui, mais un gadget beaucoup plus simple. Y a pas de levier puis toutes ces affaires-là. C'est plus simple. Toi puis les leviers. Tu ouvres, tu mets tes œufs, tu fermes et tu mets dans le micro-ondes. C'est hyper simple. Je vais me renseigner. tiens, un autre grille-pain, celui-là qui fait des formes de Space Invaders. Allez voir sur l'article assemblagerequis.com. Beau petit grille-pain avec des symboles de Space Invaders. Tout le monde connaît les petits genre de petites bibittes. Bon. Donc voilà pour les gadgets. Passons maintenant à quelques petites affaires rapides. Fanpageinsurce.blogspot.com pour ceux qui vont sur Facebook et qui ont toujours, tu sais, les petits affaires de like, le j'aime, quelque chose. Mais là, il faut que tu cliques dessus puis il faut que tu deviennes membre de la page ou fan de ou j'aime donc ça. Ah, sinon, tu peux pas le voir. Exactement. Ben, ce site-là vous les révèle, ces réponses-là. Je sais. Fanpageinsurce.blogspot.com, évidemment, pour les pages qui sont en anglais. S'il y en a en français, elles sont sûrement juste traduites de l'anglais, donc allez voir quand même. Vous allez sûrement trouver votre réponse. Et vous pouvez même aimer la page Fanpageinsurce sur Facebook. Mais ça vous donnera pas de bonus de plus. J'aime bien ce Est-ce blog. Qu'on peut voir la page avant de l'aimer, la page de Fanpage? Mais en fait, c'est qu'il demande une capture d'écran de la page après que tu serais devenu fan ou que tu l'aurais aimé. Fort, hein? Fort. C'est très fort. J'aime bien, bien gros ça. Petite nouvelle maintenant, un homme qui avait besoin de papier de toilette dans une toilette, oui évidemment, au Japon, il était pris et il a posté ce message sur Twitter, il cherchait du papier de toilette et ça a fonctionné, ça a pris 20 minutes pour que Aika, soulignement T-E-I, après qu'il ait dit ça sur Twitter, que quelqu'un arrive avec un rouleau de papier de toilette, donc Twitter sert à quelque chose maintenant, c'est vrai. C'est tellement drôle. J'adore ça. Finalement un site internet, ça s'appelle cupidtino.com, qui est un site pour les fanboys et les fangirls de Apple. Donc, c'est un dating site, donc un site de rencontre vraiment pour les fans de Apple, les gens qui sont obsédés par ça. Allez voir cupidtino.com. C'est mon petit site favori de la semaine dans la chronique technologique Cynix. Voilà. Good. T'en as appris des choses, hein? J'en ai appris beaucoup de choses. C'est ce que je me dis. Avec les Space Invaders qui sortent de ton grille-pain, là. Moi, je mangerais beaucoup plus de toast. Peut-être que ça serait pas bon pour moi, par exemple, manger tant de toast. Ouais, peut-être que t'engraisserais beaucoup à force de manger beaucoup de Space Invaders. Ouais. J'aime, il y avait des macaronis au fromage de Mario Bros dans le temps. Ah bon, oui! Moi, je suis fanatique de Mario Bros. Moi aussi! J'adore. Moi, j'ai pas évolué depuis. Moi non plus, j'ai arrêté à la Super Nintendo, puis c'est pas mal. Moi ça. Aussi, Nintendo 64, c'est bien trop compliqué. Colin. Moi, je suis pas capable. Ben là, même le Super Nintendo. La perception de la profondeur là, sur la Nintendo 64, c'est très, très... Je suis pas capable. Non plus. C'est bien plus simple quand ça va de gauche à droite. Et voilà. Et de haut en bas. Pas de plus. Améliorer les dessins, le design de ça, ouais, mais rester sur la gauche-droite, puis ça va être assez bon. Voilà. Bon. Ça serait parfait. On va entendre un petit peu de Tegan and Sarah. Une autre chose qu'on a en commun, toi et moi, à part Mario. Hein? Ouais! Oh. C'est comme princesse Peach et Daisy. Tegan and Sarah. Ouais. Mon groupe préféré. Tegan and Sarah. Tu peux entendre une pièce d'un album que j'ai pas encore entendu. Non. Ah, tu devrais l'écouter. C'est vraiment un de... Si c'est pas leur meilleur album. En tout cas, si Sainthood, puis celui-là. Mais celui-là, il est vraiment dur à battre. C'est The Con qui est sorti en 2007. C'est leur 5e album. Et on va entendre une de mes pièces favorites. Une de mes 2 pièces favorites. C'est justement The Con. Même nom que l'album. Voilà. Puis là, à un moment donné, je vais les connaître plus que juste le dernier album, Tegan and Sarah. Bonne chose. Assemblage requis. I listened in, yes, I'm guilty of this, you should know this. I broke down and wrote you back before you had a chance to forget, forgotten. I am moving past this, giving notice. I have to go, yes, I know the feeling, know you're leaving. I'm capsized, staring on the edge of safe.

Je serais plus un fou de moi que d'autres choses. Alors, on vient d'entendre la pièce The Twist de Metchie, qui a la chronique Ton plat favori, à Assemblage requis. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment un excellent album à vous procurer. Les quatre premières chansons sont écœurantes. Des bijoux, c'est vraiment débile. Incredible. C'est ça. Le reste de l'album aussi est vraiment bon. Mais surtout les quatre premières chansons. Grow Up and Blow Away. Ouais. Metric. Et puis, sur la trame sonore de Twilight. Ouais. Eclipse. À voir. Oui, non, à écouter. À écouter. Fermez les yeux et écoutez. Ça me fait penser, il y a quelques semaines, barbique moi de ça, tu nous parlais d'une pièce de Majub qui avait été refaite. En fait, la pièce thème de ta chronique, ton plat favori, qui avait été, si on veut, plagiée par une artiste américaine. Ouais, j'ai pas encore regardé s'il y avait des updates là-dessus. Je vais justement regarder ça. Une poursuite ou de l'argent qui a échangé de main, quelque chose. Mais bref, sur le blog de bandapart.fm, on nous dit qu'après Malajub, ce serait au tour de Arcade Fire de s'être fait plagier. La semaine dernière, sortait le nouveau simple de l'ancienne Miss American Idol, Kelly Clarkson, Naked Eye, dont le couplet ressemble étrangement, dit-on, à la pièce Rebellion Lies de Arcade Fire. La preuve dans l'article sur assemblagerequis.com, mais en même temps, j'ai comme eu envie d'écouter les... pas écouter les deux, parce qu'on fera pas jouer une pièce de Kelly Clarkson au complet, là. Hein, quand même, on va pas tirer ça par tous les cheveux, là. Mais bref, on va encore entendre un petit extrait de la pièce de Kelly Clarkson, suivi de la pièce de Arcade Fire. Pendant un bout, les pièces n'étaient plus... la pièce de Kelly Clarkson n'était plus disponible sur Internet. On avait beau chercher un peu partout, mais on ne trouvait pas. Mais maintenant, elle est de retour. Donc, on écoute un extrait de Kelly Clarkson, une pièce de son album Naked Eye. Ça se passe dans les prochaines secondes à Assemblage requis. Quelques secondes. À peine. Ah, voilà. On va essayer de se rendre jusqu'au couplet, mais c'est jusqu'au refrain, mais c'est Kelly Clarkson. Ça pourrait être difficile. J'étais pas sûr qu'on allait trouver le refrain, mais finalement, je pense qu'il était pas mal facile à trouver. Hein? Ouais, c'est un peu évident, hein, ces genres d'artistes-là, de trouver le refrain dans leurs chansons quand même. Je m'attendais à tellement plus d'originalité et de différence. Bref, ça c'était la pièce de Kelly Clarkson, Naked Eye, et apparemment que ça ressemble à The Arcade Fire. Voici Rebellion Lies. Au 89 FM, c'est fou, vous écoutez Assemblage requis, c'est là, on l'écoute au complet, fait que hein, faites-vous votre propre opinion de. On va se dire les vraies affaires entre quatre yeux, entre. Parce que vous avez le droit de savoir. Ah, j'aime tellement cette chanson-là. Est-ce qu'on l'écoute? Absolument. Sleep. vient d'entendre la pièce Rebellion Lies de Arcade Fire, que moi je trouve honnêtement que ça ressemble pas tant que ça à du Kelly Clarkson. Si ça ressemble, c'est un méchant, il me semble, hasard. Ouais, vraiment. Je pense pas que ce soit fait par exprès. Non. Mais bon, allez voir les liens sur assemblagerequis.com et réécoutez la chanson de Kelly Clarkson au complet si vous êtes capable. Ça pourrait être compliqué. Ouais, pas facile. Nous, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième tantôt. On va recevoir Yannick Duguay, que vous connaissez peut-être sous le nom de Le Husky. Il va être en entrevue par téléphone au début de la deuxième heure. Alors, restez avec nous. Aussi, plus tard dans l'émission, on va voir Lake of Stew. Ouais. Et Daniel. Et puis des faits, et puis des spectacles, et un spectacle. Un spectacle, mais beaucoup de sorties d'albums par contre, beaucoup. Ah, Caroline, ça donne une bonne raison de rester ça. Exactement. C'est Assemblage Requis, restez là. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie Gagné et Mathieu Plante. Tu disais quelque chose d'assez vulgaire un peu? Oui, sur Bande à part, justement, sur le blog de Bande à part, c'est Liam Gallagher qui parle à propos des artistes qui se plaignent du piratage. Je trouve ça très drôle. Il parle pas nécessairement de ceux qui vendent seulement 1000 copies de leur album, mais il parle des gros rock stars qui vendent beaucoup d'albums et qui ont plein d'argent et qui se plaignent du piratage quand même. Alors, allez lire ça, c'est vraiment drôle. Je le dirai pas ce qu'il dit en ondes parce que c'est assez vulgaire. Censure. Mais il faudrait que je traduise en même temps. Fait que c'est un petit peu hardcore parce que c'est écrit en anglais. C'est directement les paroles de Liam Gallagher. Mais il dit « Tu as 5 bip de grosses maisons, alors ta... » Yep, gueule. Gueule. Bouche. Bouche. Ta bouche. Ta bouche. Ta bouche. Ça ressemble à ça. C'est vraiment drôle. Cool. Cool. Liam Gallagher de Oasis. Oui. Ex-chanteur d'Oasis, puisque le groupe s'est séparé l'an passé, je crois. Mm-hmm. Ils ont changé leur emballage, Oasis. Le jus. Ah oui? C'est écrit plus cute, toi. Ah, ben tant mieux. Mm. On va poursuivre avec une excellente pièce de Matt and Kim, qui s'est aussi trouvée à ton plan favori. C'est la pièce Daylight. Il y a de la place dans ce plat-là, toi, hein? Ah oui. C'est un immense plat Tupperware. feel it all the time. But when she preys upon your mind, she's a fiend. C'est Marching Through Your Head à Assemblage Rocky. Avec Mathieu et Stéphanie. Oui, ça fait drôle, hein? On s'habitue. On s'habitue. C'est ça. La saveur, là. Comment dire, là? La texture de l'émission. Texture. C'est un beau mot. On n'utilise pas assez souvent le mot texture, hein? Je sais pas, je trippe pas. Non plus. Texture, non. Tech, il y a comme technologie dedans, comme tech. Ah, c'est pour ça que t'aimes ça? Ah, ouais. Juste pour ça. Mais il y a texte aussi, puis je sais pas lire, fait que... C'est bien. On va poursuivre avec les sorties d'albums. Il y en a beaucoup cette semaine. Oui, j'en ai beaucoup parce que ça fait longtemps que j'ai pas été à la radio. Ça fait quand même 3 semaines. Ouais. Et un peu comme moi, quand tu manques de la radio, il faut que tu fasses le contenu que tu aurais fait pendant ces semaines-là. Exactement. Dans ouais, je fais pareil. Voilà. Alors, mais pour les 2 semaines passées, je vais y aller un peu vite. Donc, la semaine du 27 avril, il y a eu Hole avec l'album Nobody's Daughter. Alors, Courtney Love qui revient en studio après 5 années loin du studio. Il y a aussi... En rehab. Ouais, probablement en rehab. Il y a Ariel avec l'album Après le crime. C'est le premier album du groupe qui a gagné les Francouvertes l'an passé. Et il y a aussi Gogol Bordello avec Transcontinental Hustle, un groupe gypsy punk de New York très étrange. Moi, j'ai pas vraiment aimé, mais à ce qui paraît, tout le monde trippe sur cet album-là. Mm-hmm. Ça reste à voir. Aussi, le 4 mai, il y a quand même eu des sorties intéressantes. Il y a eu The Hold Steady avec Heaven Is Whenever, leur 5e album depuis 2004. Vraiment du rock assez pur. C'est vraiment la façon la plus simple de le décrire. Aussi, The New Pornographers avec Together, le groupe canadien formé en 97 à Vancouver. C'est leur 5e album. Et comme Broken Social Scene, que je vais parler tout à l'heure, les membres sont dans plusieurs autres projets. C'est un super groupe. Et Broken Social Scene, un album très attendu, Forgiveness Rock Record. Groupe canadien aussi un super groupe avec des membres qui changent toujours. Ils ont déjà eu jusqu'à 19 membres. Ça a été formé en 99 et il y a des influences de pas mal tous les styles de musique des membres du groupe, que ce soit pop ou rock. Il y a Feist, il y a aussi Emily Haynes. Il y a The Metric. The Metric, oui, la chanteuse The Metric. Il y a des membres de Stars. Il y a aussi James Shaw de Metric, le guitariste, celui avec qui Emily Haynes a fait le premier album, Grow Up and Blow Away. Dont tu as parlé tantôt dans ta chronique. Exactement. Hey, les liens, toi. Vite, vite. Alors, c'est ça, c'est le 4e album de Broken Social Scene. Et j'ai pas encore eu le temps d'écouter l'album en profondeur, puisque je l'ai acheté juste avant de m'en venir ici. Mais on va aller écouter la pièce avec Emily Haynes. C'est la pièce Forced to Love. Très, très bonne à ce qui paraît. On va voir ça. Espérons-le, sinon ça va pas faire de la très bonne radio. Hein? Exactement. Cet assemblage requis au 89.1. Love. Ouais, vous écoutez toujours Assemblage Requis avec Stéphanie et Mathieu. On vient d'entendre la pièce Forced to Love de Broken Social Scene, tirée de leur tout dernier album Forgiveness Rock Record. Alors, je vais maintenant poursuivre avec les sorties d'albums de cette semaine. Tout d'abord, il y a Falls avec l'album Total Life Forever. C'est un groupe de l'Angleterre, moi qui aime bien les groupes anglais. C'est leur deuxième album. Leur premier s'intitulait Antidotes. Et même si c'est un groupe de l'Angleterre, habituellement, j'aurais vraiment aimé ça. Mais j'ai pas vraiment accroché, mais ça a été un assez grand succès d'où ils viennent. Et je trouve qu'il y a beaucoup de tension dans l'album. C'est un peu déprimant. C'est une ambiance très glaciale. OK. Juste par l'album, c'est une ambiance aquatique assez froide sur l'album. J'ai pas accroché. Il y a des bulles. C'est ça que tu veux dire? Ça fait des bulles tout le temps. Des bulles. Blou, blou, blou, blou, blou. Non. Quand ça glace, il y a pas de bulles. Non, il y a pas de bulles. Non, en dessous de la glace, je pensais que l'eau a construit. Non? Non, mais c'est vraiment... C'est froid. OK. C'est pas plaisant. J'ai pas aimé ça, cet album-là. Aussi, il y a Dead Weather avec Sea of Cowards. On peut voir dans le voir de cette semaine un 3 étoiles. Un super groupe. Sur 5, sur 4, le voir? Sur 5. Sur 5. c'est encore une fois un super groupe avec Alison Mossart de The Kills. Il y a aussi Jack White des White Stripes et des Raconteurs. Et il y a aussi un membre de Queens of the Stone Age. C'est du rock très garage, des influences de blues. Dans le fond, pas mal ce que Jack White fait habituellement. Il sort pas vraiment de sa zone de confort. Mais dans cet album-là, c'est beaucoup plus lourd que le dernier album, Whorehound. Je pense qu'il est sorti, ça fait juste 10 mois, Whorehound. Alors, ils sont revenus en force avec un album encore plus lourd, encore plus physique. C'est très rock vieille école. Et les deux chanteurs, Jack White et Alison Mossart, se laissent vraiment aller vocalement. Ça crie comme ça, pas de bon sens. Ils se sont vraiment amusés, je pense, sur cet album-là. On peut même pas dire des fois qui chante, on sait pas trop, parce que les deux gueulent comme ça, pas de sens. Mais c'est vraiment... C'est vraiment plaisant à écouter comme album. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est pas une chicane de couple, là. Non. Des fois, ça peut le paraître, là, mais c'est vraiment bon. Ensuite de ça, il y a Keen. Keen, un groupe qui a connu un assez grand succès commercial avec leurs trois premiers albums. Ils sortent maintenant leur quatrième album, Night Train, qui a seulement 8 pièces. Ils essayent vraiment d'expérimenter sur cet album-là, mais ça fonctionne vraiment pas. Il y a 2 pièces sur 8 que c'est avec Kanan, le rappeur canadien là, qui a fait la chanson sur Haïti. Ouais, qui va être à un des festivals là, cet été, là, peu importe lequel. Là. J'ai vu ça, quelque ouais, chose. Je pense qu'il était à Oshiaga, ouais. Mais je suis pas certaine. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ça. Fait que ça fait vraiment bizarre la voix de Tom Chaplin avec Kanan. Ça fait vraiment bizarre. Ça marche pas du tout le rap dans leurs chansons. Et ils ont des arrangements pas très originaux. Le groupe vieillit vraiment pas. Il y a pas de maturité. Contrairement à d'autres groupes qui ont vraiment changé, si on parle, mettons, de Coldplay, avec leur dernier album, qui ont vraiment changé avec Viva la Vida. Il y a beaucoup de maturité, alors que Keane, ça a pas marché du tout. Ça fait vraiment bizarre et c'est malheureux avec la belle voix de Tom Chaplin. Et finalement... Il y a l'album High Violet de The National. C'est leur 5e album. Leur dernier était sorti en 2007, Boxer. Ça peut pas être décrit autrement qu'en disant indie. J'haïs ça, ce mot-là, en plus. Ça veut tout dire, par exemple. Non, ça veut rien dire. Non, ça veut absolument rien dire. Mais ça se décrit pas vraiment. C'est un peu un album déprimant, mais ça donne quand même beaucoup d'espoir, je trouve. C'est ça que... Moi, je me suis dit ça. Attends un peu. C'est... OK. C'est déprimant, ouais. Mais pas à s'en couper les veines et tuons-nous. Déprimant, mais avec une lumière au bout du tunnel. Exactement. Donc. C'est mélancolique, mais il y a de l'espoir. Mais c'est surtout mélancolique grâce à la voix du chanteur qui est très, très grave. Ça donne vraiment un tout autre aspect au groupe. Alors, voilà. On va aller écouter quelle pièce, Mathieu? La pièce Anyone's Ghost. Écoutons ça. Assemblage requis? Dans le blog sur les nouveautés musicales CD, pas vraiment de nom à cette chronique-là. Non, pas vraiment. Je faisais la même affaire avec Kiwan. Je disais tout le temps comme j'essayais de donner un nom puis ça marche pas. Sortie musicale de la semaine. Ah, c'est très pas catchy du tout, pareil. Je sais. Mais peut-être Assemblage Rocky et ça, c'est un nom catchy. Ah, absolument. L'émission estivale en pièces détachées. Oh, wow! toujours Assemblage Requis avec Stéphanie et Mathieu. On vient d'entendre la pièce Anyone's Ghost de The National, tirée de leur dernier album High Violet. Et c'est tout pour les sorties d'albums de cette semaine. Du bon matériel, par contre, même si on avait peu. Pas peu, mais tu sais, qu'on a fait jouer. Ouais, c'est ça. Genre. On a pu faire tout jouer, mais à un moment donné. Il y a des limites. C'est ça, il y a toujours bien des limites, là, comme ils disent. Ouais. Comme ils disent. D'ici la fin de l'émission, on va avoir plein d'entrevues. En fait, nos entrevues vont commencer vers les 17h. Finalement, on va avoir le Husky plus tard dans l'émission, vers la fin. Avant ça, Lake of Sioux et Daniel vont être là en studio vers les 17h. On a aussi une chronique sur les faits divers de la semaine, donc des choses véridiques, vérifiables et pas pantoutes. Que t'aimes bien gros. Ah sais. Oui, moi je trouve ça toujours drôle. Hein? Ouais. On va voir si tu trouves ça drôle tantôt ou pathétique. On va voir. Hein? Mais d'ici là, par contre, on va retourner en musique. On va entendre un petit peu de OK Go et la pièce End Love de leur album Of the Blue Color of the Sky. Vous êtes avec Stéphanie Gagné et Mathieu Plante. Assemblage Requis. Ça a l'air trop sérieux, hein, comme ça. Un peu trop. Un petit peu trop. Assemblage Requis, wouhou! Wouhou! Sifflet, genre. On va aussi parler des mardis de la relève, donc. Absolument. Oh oui! Dark. fou. C'est fou. Visitez le www.cfou.ca. 89. Rassemble ce qui pour toi aujourd'hui. Assemblage requis avec Stéphanie et Mathieu. On vient d'entendre l'excellente pièce Please, Please, Please des Shout Out Louds tirée de. De la. L'album. How, How, Gaff, Gaff. C'est ça. Ou l'excellent album de One Tree Hill. Deuxième volume, hein, parce qu'il y a deux, oui. deux volumes. Il y a même un troisième, Mathieu. Il y a trois soundtracks de One Tree Hill. C'est incroyable, hein? Ouais. C'est comme Twilight, par exemple. C'est pas super le fun à regarder, mais au moins la musique est bonne. C'est ce que je me dis. Je suis pas d'accord, mais la musique est bonne. C'est vrai. Ça. Bon. Savais-tu, Stéphanie, qu'il y a des choses dans la vie qui n'ont pas besoin de preuves? Tu les gobes et tu fais comme si c'était vrai. Comme ça. C'est vrai. Tout dans vrai. Ah, j'ai entendu souvent ta chronique, Mathieu, et j'ai appris à rien dire et écouter et croire tout de suite. C'est ça, parce que c'est pas toujours très expliqué en détail, mais c'est l'heure de parler de choses véridiques, véritables et vérifiables, mais pas toujours. Il y a comme une petite étoile qui apparaît sur votre écran de radio et qui dit « ça dépend ». Ça dépend. Ça dépend. Savais-tu, Stéphanie, que le lion dort 20 heures par jour? Oui, c'est vrai. Les lions sont surtout nocturnes, on nous dit. Donc, ils dorment environ 20 heures par jour. On peut les trouver pas mal tout le temps, comme ça, en train de dormir. Ils vivent entre 12 et 16 ans, ces lions-là. Ce qui veut dire que Lyon est environ réveillé 3 ans pendant sa vie. My God! En tout. Ça, c'est intéressant. Ouais, je savais. Je savais que t'aimerais ça. Savais-tu que les bébés koalas mangent le caca de leur mère? C'est vrai. Oui. Le système digestif sous-développé d'un bébé koala n'est pas capable de défaire la végétation qui mange les koalas. Donc, ils ont besoin d'une bactérie qui est présente dans les crottes de leur mère pour pouvoir digérer correctement. Le mot scientifique pour ceux qui mangent du caca, c'est la coprophagie. C'est comme les pingouins qui vomissent dans le bec de leur bébé. T'as jamais vu ça? Est-ce que t'es déjà allé au biodôme? Non. Ah, on voit ça live, là. Okay. Les mamans pingouins qui... Bleh, c'est dégueulasse. Je pense aux gens qui nous écoutent que c'est l'heure du souper, mais bon. OK, on poursuit à l'autre fait. Un autre animal ici, les ours grizzly et les ours polaires peuvent s'accoupler et peuvent faire des ours hybrides. Par contre, les gens ne savent pas comment les appeler. Il y en a qui disent des pizzlies, donc ils disent des growler bears. Ça dépend vraiment des gens. Ils peuvent s'accoupler. Ils sont quelle couleur? Je sais pas. Ah. Brun pâle. C'est ça. Comme l'autre article d'avant. Le film The Shining a le record pour le plus de prises. Le plus de prises qui ont été prises d'une seule et unique scène. D'accord? Donc, le livre des records Guinness dit que ça a pris 127 prises pour filmer la scène où le personnage de Shelley Duvall doit frapper Jack Nicholson avec une batte. Oui. Apparemment, il y a eu des complications à cause du nouveau système Steadicam. À ce moment-là, le système Steadicam était nouveau. Il y a des confusions, par contre, par rapport à ça. L'assistant réalisateur et l'opérateur de la Steadicam insistent que ça a pris seulement 34 prises, alors qu'une autre scène dans The Shining avait pris 140 prises, donc on ne sait pas trop. Mais bref, il y a beaucoup de prises qui ont été prises pendant le tournage de The Shining. Au Japon, ils ont des melons d'eau en forme de cube. C'est vrai. Ils font en fait ces melons d'eau en forme de cube en les faisant gros pousser, grand des gogo. Ouais, on a compris. En tout cas, vous savez quoi? En les faisant pousser, tiens, dans des bocaux de plastique en forme de cube, évidemment. La raison qu'ils font ça, c'est que c'est plus facile de les empiler dans le réfrigérateur et de mettre des choses dessus sur leurs melons d'eau. Apparemment, qu'eux sont des grands fans de melons d'eau. Par contre, ces melons d'eau. En cube, là, sont chers. Ils coûtent environ 82$ comparé à entre 15 et 20$ pour un melon d'eau normal au Japon. Croyez-le ou non, et là, c'est un fait qu'on entend souvent, mais c'est pas vrai qu'on peut voir le mur de Chine, là. Tu connais le mur de Chine, là? Bon. On dit souvent qu'on peut le voir de l'espace, mais c'est pas vrai, non. La première fois que ce fait-là a été publié, c'était en 1938, bien avant que les gens voyagent dans l'espace. Et depuis ce temps-là, ben, les gens sont allés dans l'espace et puis ils réussissent pas à voir ce mur-là. Même s'il est très très long, 5 500 000 de long, mais pour le voir de l'espace, il faudrait qu'il soit très très large et qu'il soit distinct par rapport aux autres choses qu'il y a par terre là-bas. Il est très très mince, ce mur-là. Donc, s'il était visible de l'espace, chaque autoroute du monde le serait aussi, donc c'est pas vrai. Par contre, on peut voir je n'ai aucune idée comment ça se dit en français, les Pyramids of Giza. Les pyramides de Giza. Hein? Le Minute Maid Park, le Toyota Center et le George R. Brown Convention Center de Houston, Texas sont visibles, eux, de l'espace. Oui, eux, ils sont visibles. Je suis sous le choc. Ah, me too. Seulement 40% de la population peut sentir de la misère avec mes termes en français, c'est quoi? C'est de la cyanure, l'affaire, le poison, là. Cyanure. Je pense que c'est cyanure. Cyanure, bon. Donc, apparemment, 40% de la population peut sentir ça, et c'est très génétique si on est capable de sentir ça ou pas. Le cyanure est un poison mortel. Les gens disent, ceux qui sont capables de le sentir, que ça sent les amandes, un peu. C'est vrai. À cause de l'évolution qu'on dit, la capacité de sentir cette odeur du cyanure a un avantage, évidemment, parce que ça va t'avertir avant de manger du poison. Hein? Mais la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Le président James Garfield savait écrire en latin d'une main et en grec de l'autre main en même temps. Oui, le président James Garfield était ambidextre. Bon, donc il était capable de faire des choses avec les deux mains en même temps. Il était particulièrement, en temps normal, gaucher. Hein? Et c'était d'ailleurs le premier président américain gaucher. On nous donne d'autres faits intéressants sur le président Garfield. C'était le dernier président à être né dans une caverne de bois. D'accord. Il était le premier président à faire sa campagne dans deux langues, l'anglais et l'allemand. Aussi, le jour de l'élection, le 2 novembre 1880, il était en même temps membre de la House House, la chambre des... affaires américaines, là, chambre des communes, peu importe comment t'appelles ça. Il était aussi sénateur élu et président élu la même journée. Bon. Avez-vous déjà entendu parler d'un cryovolcan? Stéphanie, toi, un cryovolcan? Absolument pas. Ouais, ben c'est ça. C'est un volcan qui crache de la glace au lieu de cracher de la lave, mais ça existe seulement en dans l'espace et on peut y retrouver sur certaines lunes. Oui? Est-ce qu'il y en a sur notre lune? Ah, je pense pas. Je pense pas. Parce que ça dit des icy moons, donc des lunes glacées. Probablement les lunes plus loin du soleil. C'est ça. Sûrement chez Dairy Queen aussi. Hein. Dairy Queen. Hey, ils ont sorti un McFlurry avec des aéros à amandes, toi. Ah. Je sais, il faut que j'aille au McDo. Ça a l'air écœurant. Yeah. C'est pas Dairy Queen, par contre. Un autre fait intéressant dans la chronique, c'est un fait, je trouve ça vraiment bien ça. Après avoir fabriqué 1,4 milliard de crayons, des crayons de cire, le fabricant, il s'appelle le Senior Crayon Maker, donc vraiment le fabricant de crayons senior chez Crayola, a admis qu'il était daltonien. Emerson Moser a pris sa retraite chez Crayola après avoir servi comme Senior Crayon Maker pendant 37 ans. Ensuite, il a annoncé qu'il était daltonien, ce qui fait qu'il fait partie des 8% d'hommes dans le monde qui ont la même condition que lui. Et un peu comme être chauve, la calvitie, c'est plus commun parmi les hommes. Par contre, les femmes transportent le gène à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, si ta mère a ce gène-là, ça peut être transmis à toi, finalement. Mm-hmm. En passant, on nous dit dans l'article ici que être daltonien, c'est pas comme regarder la télé en noir et blanc comme certains gens pensent. Non, en fait, ce genre-là existe, mais c'est très très rare. Ce qui est plus commun, c'est des gens qui ont de la difficulté à différencier entre différentes couleurs, par exemple le rouge et le vert. D'autres gens qui sont daltoniens, Paul Newman, Mr. Rogers de la télé pour enfants, Vincent Van Gogh ou Van Gogh, dépendant. Voilà, donc ça c'est le gars de chez Crayola. Frank et Donald Smith ont déposé un brevet en 1975 pour une méthode de coiffer, pour coiffer les cheveux, pour couvrir une tête chauve en utilisant les cheveux de la personne qui est chauve elle-même. Donc, leur brevet qu'ils ont déposé en 1975, c'était le comb-over, placer les cheveux d'un bord. Tu sais, quand t'es chauve du milieu de la tête, tu places les cheveux. Ouais, ouais. C'était à la mode au bout, là. Il y a un brevet pour ça. Dégueulasse. C'est horrible comme coiffeur. Quelques faits très rapides pour terminer. Si tu prends ton âge et que tu la multiplies par 7 et ensuite tu la multiplies par 1,443, le produit va répéter ton âge 3 fois. Ok, j'ai de la misère à le calculer moi-même. J'ai un petit peu de la misère à le calculer. En fait, bref, je vous laisse aller sur assemblagerequis.com. Prenez les notes ici. Là. Prenez votre âge, multipliez par 7, ensuite multipliez là par 1443 ou 1,443. Attends une minute. Je prends mon âge. Prends ton âge, ouais. Je le multiplie par 7. Ouais, c'est ça, par 7. OK, puis après? 7. Ensuite, tu la multiplies par 1,443. Ou je sais pas si c'est 1,443 ou 1,443. Hein? Ça marche. Ça marche, hein? Ça dit mon âge 3 fois. Hein? Wow. La température la plus chaude à jamais avoir été enregistrée sur Terre était 136 degrés Fahrenheit à Azizia, au Libye, en septembre 1922. 136 degrés Fahrenheit. It's hot. 3900 enfants commencent à fumer à tous les jours. 3900. 2% des gens de la Terre ont les cheveux roux. 2%. Les côtés opposés l'un de l'autre sur un dé s'additionnent toujours pour donner 7. Par exemple, le 1 est de l'autre côté du 6, le 2 est de l'autre côté du 5, le 3 de l'autre côté du 4, ça donne toujours 7. Et aussi, il y a 3 différentes façons de se rendre à 7 quand tu roules 2 dés, ce qui veut dire que 7 est la chose la plus probable à avoir quand tu roules avec 2 dés en même temps. C'est pas mal. Le 7 a plus de chances d'être le chiffre que ça donne avec 2 dés. Et voilà. Et puis le dernier, en date du 20 avril 2010, Bad Romance de Lady Gaga, hein, t'aimes ça, là? Bad Romance. Était le vidéo le plus vu sur YouTube avec 185 247 313 vues. En date du 20 avril, évidemment. Ça prendrait 108... Attends, j'essaie de le dire comme il le faut. 108 554,3615 ans pour le regarder autant de fois que ça. En une seule personne. Une seule personne devrait passer 108 000 ans. Mon Dieu. Je vous plains si vous le faites. Hein. Bad Romance, sérieux. Mais c'est quand même... Le vidéo est quand même bien faite. Ouais. Ça a été très bien fait, mais c'est horrible. Horrible. Difficile à écouter, je trouve, plus qu'une fois. Ouais, quand je regarde ma petite sœur écouter ça, là, j'en ai des frissons. C'est pas parce que c'est des gars de l'armée, ou je sais pas trop c'est quoi les vidéos sur YouTube qui a été fait récemment avec des gars qui dansaient sur des vidéoclips de Lady Gaga. C'est pas meilleur, ça. Ah oui, j'ai ça sur mon Facebook quelque part. Tout le monde a ça sur son Facebook. Ouais. Quelqu'un qui l'a affiché ce matin. Tout le monde l'a affiché ce matin. Ou hier. Je vais aller voir ça à l'instant. C'est la chronique, c'est un fait. Si vous voulez aller retrouver les liens, c'est sur assemblagerequis.com. Évidemment, les liens vers les sources de tout ça, entre autres twitter.com/omgfacts. Allez vous amuser à voir d'autres liens que j'ai pas choisis là-dessus. C'est toujours Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie Gallier et Mathieu Plante. On continue en musique pour aller entendre un petit peu de quelque chose comme quoi d'autre. On va aller écouter. Pourquoi je dis tout le temps à voir? Tu penses à la télé? Peut-être. Non, j'aimerais pas ça à la télé. Qu'est-ce que tu me fais avec tes mains? Tu me fais un genre de un signe? 8. C'est pas West Coast Represents, ça, là? Non. Du tout. Je connais pas ça. On va aller écouter Johnny Foreigner de l'album Wait It Up Till It Was Light. On va aller écouter la 8e pièce avec Salt Pepper and Spinderella. Yo, yo, yo, represent! Represent! Assemblage requis. Yo! West Side. West Coast, je pense. West Coast Custom. Exhibit. X to the Z. Exhibit. We walk out like lions, shot on prey, and move nicely toward the game. All pride, how wide are my eyes? Are you hungry now? Are you hungry now? We like to watch the fights break out and end in grief from these cheap plastic seats and hold each other a little closer. We've got a place for the night. What are you worried about? We've got our answer phones. Are you hungry now? Are you hungry for? We got our alibi straight. What are you worried about? I think I liked you more. Are you hungry now? Are you hungry for? Black bird, I'm back again. I caught a shark, but my heart's still beating. Stop shaking, it helps me. You can learn a little less from photography. Sure. We like to watch the fight. C'est toujours Assemblage Requis avec Stéphanie et Mathieu. On vient d'entendre la pièce Salt Pepper and Spinderella de Johnny Foreigner, un de mes albums préférés à vie. Une pièce avec un titre le fun à dire, je trouve. Oui, mais regarde juste l'album. Là. Il est le fun à regarder, il est le fun à écouter. On dirait les petits bonhommes de Jello de Pac-Man. Genre. Oui. Oh, c'est cute. Il est tellement le fun. L'album Wet It Up Till It Was Light, ouais. Comme tu disais. Bon. Excellent album. Voilà. Parlons des Mardis de la Relève qui ont lieu à chaque, je dirais, semaine, chaque, je dirais, mardi. Ben oui! Au Gambrinus? Oui, au Gambrinus. Alors, cette semaine avait lieu la deuxième demi-finale. Alors, cette semaine, vraiment bizarre, on est arrivé et il y avait un des bands qui avait décidé de se désister. Ah? Oui! Ils se sont désistés dans le parking. Ils étaient déjà arrivés. Ils venaient de je sais pas où, mais de loin d'ici. Quoi, ils pensaient qu'ils n'allaient pas gagner, ils ont non, dit... Non, il y a eu un problème de matériel, de quelqu'un qui n'avait pas apporté un drum ou quoi que ce soit. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, ça m'intéressait plus ou moins. Il n'y a pas eu de meurtre, là, comme... De meurtre, d'un groupe non. qui voulait gagner, non. Non, du tout. Alors, il y a juste eu deux bands. Il y a eu Love Beach contre Await for Change. Et moi, je suis arrivée et je voulais vraiment que Love Beach gagne. Hein. Je suis arrivée, mais Love Beach, c'était moins bon que la dernière prestation, mais c'est quand même eux qui ont gagné. C'était comme Like Beach. Ouais, c'est ça. C'était pas Love, Love, Love Beach. C'était Like Beach. C'est comme XOXO, mais c'est à peine. Ouais, à peine. Là, je voulais vous faire écouter une chanson de Love Beach, mais j'ai pas trouvé de MySpace de Love Beach. J'ai seulement trouvé Shake It Corrida, qui était leur ancien band. Alors, si jamais vous voulez voir de quoi ça a l'air un peu, ça ressemble un peu à Shake It Corrida, qui est leur ancien band. Alors, si vous voulez aller voir ça sur MySpace. Et je vais vous parler de la semaine prochaine. Vraiment une soirée à ne pas manquer. Ça va être la dernière demi-finale. Il va y avoir Another Fallen Hero, un groupe qui a été assez populaire aux Estacades. Quand ils ont participé au quart de finale, il y avait vraiment tout un fan club. Là. Le bar était plein à craquer. Tout le monde connaissait les paroles des chansons par cœur. Vraiment tout un phénomène. C'est le fun quand un public réceptif comme ça. Oui, c'est sûr. Ça l'aide. Ça l'aide aussi dans les votes des juges parce qu'il y a une catégorie que c'est appréciation du public sur 10 points sur 100. Et si tout le monde est vendu d'avance? Alors, si tout le monde applaudit à pu finir, c'est sûr que c'est un 10 sur 10. Mm-hmm. Alors, voilà. Il y a aussi Atomic Baobab et Piff Paff Hangover. Et je vais faire écouter une pièce de chaque. On va commencer par Piff Paff Hangover. Un groupe électro, parfois, c'est très bon, vous allez voir. Et on va écouter quelle pièce, Mathieu? A House Full of Holes. A House Full of Holes. Vous allez voir, c'est super bon. Plein, plein, plein de trous. Ouais. Plein. Alors, on écoute House Full of Holes. De l'assemblage requis. Avec Stéphanie et Mathieu. Ouais. Au 89.1. FM. FM. Every moment I'm sitting at home, staring at a hole in the ceiling, watching the paint peeling, and it's a strange feeling. Watching raindrops filling up pots and pans, act as a beat in the background that's drowning my cactus plant. I turn around and saw my cat caught in a mouse trap, rain jacket soaking on a coat rack. Smoke from my mouth fills the holes in my house like pipes made of moonlight. Smooth like silk, moves like milk was spilled through the rooftop and settled into soup pots. And with no remorse from its leaking source, it slowly poured, flowing, leaving no reward, only more and less of what it was before. But on the other hand, I've always wanted floating floors. We'll be right back. Toujours à Assemblage Requis avec Mathieu et Stéphanie. On vient d'entendre la pièce « A House Full of Holes » de Piff Paff Hangover. Plein de trous, je te l'avais dit. Exactement. Pas dans la pièce. Non, pas dans la pièce. Excellente pièce. J'espère... je peux pas dire j'espère qu'ils vont gagner parce que le prochain band que je vais vous faire écouter aussi va être super bon. Je vous le dis, c'est vraiment bon. Fait que moi, je pense que mon vote va aller à Atomic Baobab. Tu révèles ça en ondes comme ça, toi. Ben, je suis pas juge. OK, c'est vrai. Je suis pas juge. C'est vrai. Je le suis plus depuis 2-3 semaines. Ouais. C'est fini, c'est fou au Gambrinus. C'est fait sacré dehors. Alors, non, quand même. Non, il y a quelqu'un de la Sagie Anthony Thompson qui vient maintenant. Ah, d'accord. Alors, voilà. Alors, je vous dis tout de suite. Moi, mon vote va à Atomic Baobab. On va écouter la pièce Foxtrot Uniform. Atomic Baobab, c'est des membres du groupe qui a justement gagné les Mardis de la Relève l'an passé. C'était quoi dans le groupe? Apocalypse Nightclub. Okay. Voilà. C'est ça, c'est le même chanteur qui est plus dans Atomic Apocalypse Nightclub. Alors voilà, vous allez voir le chanteur a une très très belle voix. On écoute la pièce Foxtrot Uniform. Ouais. Et après ça, on revient avec Lake of Stu et Daniel en entrevue ici même en studio à Assemblage Requis. Yes, Foxtrot Uniform. d'Atomic Baobab. Oui, excellente pas Baobab. Non, Baobab. Une excellente pièce. J'adore la voix du chanteur. Ça me donne vraiment le goût de danser, cette pièce-là. Ce que tu as fait tout le long de la pièce, d'ailleurs, en studio. Ben oui, je me suis levée sur sa table, là, toute la kit. C'était funky. Absolument. Ouais. On aime ça funky, nous autres. Alors, on a des invités en studio. Hein? Oui, ben oui, on reçoit Robert et Dan qui sont en direct avec nous en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Donc, il y a un spectacle qui a lieu très bientôt de Lake of Stu et de Daniel. Dagniel, tu vas me dire? C'est Daniel ou Dagniel qu'il faut prononcer? Tu choisis ce que tu veux. En fait. Je peux vraiment dire n'importe quoi. Oh. Hein? Est-ce que je peux dire de Gnail? Ouais, tu peux le dire si tu veux. C'est en autant que tu ne dises pas Daniel. Daniel! J'aimerais vraiment mieux Dan. Okay. Dan, ça me va bien. On va te reparler tout à l'heure, mais avant ça, on a donc le producteur du spectacle, Robert, Bob. Oui, Bobby. Ouais. Non? Il y en a plein, il y a beaucoup de versions. Rapproche-toi de ton micro un petit peu, s'il te plaît. Excuse-moi, okay. Je voudrais te le dire avant, c'est mon erreur. Ouais. Comme j'ai dit, beaucoup de versions. Loin et proche. Ouais. Comme on veut, pas tous les goûts. Ouais. Si je comprends bien, t'es pas un des membres du groupe. Donc, tu produis le spectacle, mais tu connais le groupe et tu joues avec eux. Mais t'es pas un membre à temps plein officiellement, c'est bien non, ça? Non, je suis comme un genre d'enthousiaste flottant. Et je les ai connus la dernière fois qu'ils ont joué à Trois-Rivières au Nord-Ouest. Je crois que c'était le 26 novembre. Et comme je fais d'habitude, quand je veux faire une rencontre musicale, puis je me sens inspiré, j'apporte mon instrument, puis mes déguisements et tout ça. J'avais une planche à laver. Oui, c'est ça, ton instrument, c'est particulier. Oui, ils jouent sur leur disque aussi, puis ça fit avec les autres instruments, que old time un peu qu'ils ont. Il y a même un washed-up bass, un genre de couvette avec une manche à balai, une corde de bas de Kodiak qui sert de contrebasse. OK. Ils sonnent très bien. Donc, oui, puis ils m'ont laissé les accompagner pour une couple de tunes. Puis après, ils ont dit, ah, quand tu voudras, tu viendras, tu te joins à nous, tu joues. Puis là, ça s'est produit peut-être 3-4 fois okay. Dans le spectacle. Donc, mais t'as pas de groupe en tant que tel, sinon, à part de ces performances-là? Ben, je joue avec des musiciens, mais j'ai pas de groupe vraiment qui à temps plein, mettons. Ouais. OK. Ouais. C'est spécial. J'aimerais, je vais voir ça, moi, je pense. Oui? Ouais. OK. Je pense que c'est une bonne. C'est bien, oui. Donc, The Gnail. Yes. Tu veux pas que je t'appelle comme ça, t'as pas ça, j'essaie. Je trouvais ça bizarre aussi. Ça va être. Donc, tu vas faire la première partie du spectacle. Oui. C'est bien ça. T'es un chanteur de country francophone. Oui. Et si je me trompe pas, on m'a dit que tu venais du coin, mais de quel coin? Je viens du coin. Je viens juste d'à côté. Je suis arrivé ici à pied. OK. À côté du dépanneur avec, ouais, entre c'est ça. Le. Ben, entre deux bières, là. OK. Je me suis dit, on allait faire un tour ici. T'as bien fait. Ouais, merci. T'es le drummer des Malléchés, un groupe qu'on fait jouer pas mal beaucoup ici. Ouais. Bien ça, t'es là-dedans depuis combien de temps? Depuis le début, ça fait 3 ans déjà. OK. Mais ça fait aussi longtemps que tu fais de la musique autre que les Malléchés et autre que toutes les autres choses que tu peux faire en ce moment. Et tu dois ton intérêt à une chaîne de magasins grande surface qu'on ne nommera pas nécessairement. On n'a pas le droit? Hein? Ouais, nomme-le. OK. Je suis allé chez Walmart. Oh, wow. Dans mon ancienne vie, quand je restais à Québec, oh, je peux mettre des affaires. T'as pas l'air de dire Québec puis en pas... nombre. Copyright. Et puis, j'étais tombé sur un album, tu sais, les bacs à 5$, je crois. Sur un album de Hank Williams. Okay. Puis c'est là que j'ai pas aimé tout ça du début, mais que j'ai tout le temps écouté cet album-là. J'ai jamais compris pourquoi j'écoutais ça souvent. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment accroché. Ça a vraiment commencé avec Hank Williams. Après ça, ben, tu sais, j'ai commencé à gosser, à faire des tunes dans ce style-là, mais ça fait longtemps que j'ai jamais pris ça sérieusement, jusqu'à tout récemment que j'ai décidé de faire ça parce que j'avais plus d'inspiration, je pense, pour okay. de la musique ordinaire, si on veut. Pas que les Malléchés sont ordinaires, c'est pas ça. Qu'on... Non, mais je veux dire, pour ma musique à moi, okay. là, tu sais, qui était plus pop un peu, plus mm-hmm. J'avais plus d'inspiration pour ça. Puis j'avais le goût de retourner à 3 accords par tune. Puis de quoi de facile à jouer, puis que tout le monde catch tout de suite du début, qu'ils n'ont pas à se demander, voyons, c'est quoi cette affaire-là, pourquoi il fait ça? OK. C'est, je fais du country parce que c'est facile, puis ça accroche tout de suite. Mm-hmm. Tu connais comment, Robert, vous êtes rencontré? On s'est rencontré, ça fait un mois à peu près. Ouais, un mois. OK. En fond, je suis allé aux soirées open mic au Zenob. Ça, j'ai-tu le droit de dire ça? Oui, oui. OK. Je suis allé aux soirées open mic au Zenob, puis il était là tout simplement avec sa planche à laver puis son chapeau. T'avais-tu ton chapeau ou ta cacoule jaune orange. Non, c'était le chapeau. Et la cagoule était pas loin. Ouais. OK, la cagoule. Okay. Tu mets jamais les deux en même temps. Ça se peut, ça dépend de la température. Je l'ai déjà vu les deux. Puis oui. Puis, là, en tout cas, peu importe son chapeau, sa cagoule. Et puis, je sais pas, il m'a dit, je m'attendais pas à entendre ça ici t'asseoir. Puis après ça, on est allé dehors autour du feu, on a joué avec ses amis. On a chanté des tunes. Chanté du Hank Williams en masse. Ouais. Ça a juste commencé de même. Ça va continuer pour toujours. Ouais, j'espère. Faudrait. C'est ça. Ça va être ton premier spectacle solo. Oui. Le premier à vie que tu vas faire devant une foule. Je pense que oui. Ouais. Ouais. Une foule en délire en plus. Évidemment, parce que ça va être le party là, c'est sûr et certain. Oui. On peut s'attendre à quoi de ta part, Daniel? C'est sûr que mon école pour faire des shows, ça a été les mal léchés. Ouais. C'est là que j'ai appris. Avant, j'étais spécialisé en show plate. C'est-à-dire shows qui vont. Pourquoi tu dis ça, par exemple? Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai appris avec les mal léchés à faire des shows. Fait que ça sera pas les mal léchés, mais c'est sûr que ça va être un peu dans ce style-là. Je pense qu'il faut s'attendre un peu à ça. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on aurait une opportunité ici, où on est là en ce moment, d'écouter une pièce. Oui. Je pense que c'est une bonne idée, puis après ça, on pourrait revenir et en parler encore plus. D'accord. Laquelle est-ce que tu as envie de nous faire entendre? Ben, tout le monde me dit tout le temps qu'il aime bien Samantha. C'est la préférée de ma blonde aussi. Est-ce que c'est Samantha Fox ou Samantha de Ma sorcière bien-aimée? C'est aucune des deux, ouais. C'est une autre Samantha qui n'est pas passée à TV, je pense. On va l'appeler Sam. Ouais, Sam. On l'écoute tout de suite, Daniel avec Samantha. Je te porte encore. C'est ça. À Assemblage Rue. Sur C'est fou. De ton bord, je pourrais aussi ben mort. Fait que là tu m'as écrit, mais j'ai pas répondu. Puis là tu m'as réécrit que toi t'en pouvais plus. Fait que je te porte encore du bout de mes bras morts. Encore ici, à vivoter ma petite vie. Toi t'as vu du pays, Londres autant que Paris. Fait que là tu m'as écrit, mais j'ai pas répondu. Puis là tu m'as réécrit que toi t'en pouvais plus. Fait que je te porte encore du bout de mes bras morts. Fait que là tu m'as écrit, mais j'ai pas répondu. Puis là tu m'as réécrit que toi t'en pouvais plus. Fait que je te porte encore du bout de mes bras morts. Samantha, je te porte encore par Daniel ou Dagniel. Encore une fois, il m'a pas donné de façon de le dire parce que c'est juste un nom comme ça, on dit. C'est cela. Faut dire Dan. Dan. Dan. Oui. Moi, les surnoms, je te dis, je suis pas encore porté à ça tellement. Tu sais. Bob and Dan. Bob and Dan. Bob and Dan. Dan and Bob. Yeah. Qu'est-ce qui fait de mieux? Donc, on a entendu cette pièce-là, Samantha, je te porte encore, qu'on peut télécharger gratuitement pour ceux qui sont curieux avant d'aller voir le spectacle. Trois pièces en téléchargement gratuit sur dagniel.com. Donc, toi, tu vois les aspects positifs du téléchargement de musique. Tu es de ce côté-là, t'es pas du côté contre ça? Là. Non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris cette décision-là de tout mettre gratuit, puis parce que c'est compliqué de vendre des albums. Ouais. J'aime mieux l'enregistrer, j'enregistre guide vocal. Après ça, en show, ce qui arrive, c'est que je me prends deux autres musiciens avec moi. Fait que le monde qui a entendu mes tunes enregistrées, ils n'entendront pas la même affaire en show. Ils vont entendre de quoi d'autre, un autre arrangement. Puis c'est juste compliqué vendre des albums, puis ça me tentait pas. Fait que je vais sortir des tunes tout le temps. Là, j'en ai trois sorties. Je vais peut-être en sortir trois autres relativement bientôt. Puis ça va tout le temps être en download gratuit. Puis à la fin, quand ça va être fait, est-ce que tu prévois faire un CD complet avec ça? Non, non du tout. C'est pas... Je veux justement aussi ne pas faire de CD parce que c'est encore une affaire compliquée. Okay. Sortir des tunes jusqu'à temps que je sois tanné, c'est un peu mon but. Ben, j'aime ça, c'est une bonne idée. Si. Les gens peuvent aller voir, donc encore une fois, l'adresse dagniel.com. On est toujours aussi avec Robert, qui est le promoteur, le producteur, le Manitou. Le cuisinier aussi, faut oublier. Oui. Ben, c'est ça, on en parlait avec lui d'ailleurs de ça au spectacle. Tu nous as amené des pois chiches, hein? Ça se mange pas cru, ça. Hein? Ouais, ça sera, oui, oui. Ça sera dans le ragoût, le lac de ragoût que je prépare pour recevoir les gens aussi. Lake of Stew, d'ailleurs, dans leur marchandise, ils ont des t-shirts puis des oignons confits. Donc, comme leur nom le dirait, ça intéresse beaucoup à la bouffe et le lien entre la bouffe et la musique est très fort. Moi aussi, je le trouve. Ouais. Ouais. Donc, tu vas cuisiner des trucs, tu vas jouer ta planche à laver. Oui. À laver. Oui. Qu'est-ce que tu fais là-dessus déjà sur ta planche à laver? Je joue avec des balais comme les drummers de jazz utilisent là, pour le son feutré. Ouais. Puis, il faut venir l'entendre. Là, pour, ouais. Lake of Stew, tu dirais que c'est de la musique qui met de bonne humeur. Donc, ça c'est le but du spectacle que vous organisez là, c'est de mettre les gens de bonne humeur. Mettre des gens de bonne humeur aussi, de faire connaître cette musique aussi. Il n'y a pas beaucoup de shows dans ce style-là, de folk, de country, de bluegrass qui se produit à Trois-Rivières. Donc, on veut un peu donner le goût aux gens de montrer qu'on peut faire des bons shows avec des instruments de base aussi, de la musique qui est accessible, qui fait chanter, qui fait danser le monde sans besoin d'avoir des mégawatts puis des gros shows de boucan. Des effets spéciaux. Ouais. Il va y avoir beaucoup de monde sur scène, autant que... Oui. Ça se peut pas, vous allez être quoi? C'est six membres pour les costumes? Oui, je serai le septième. Ouais. Il y a un bon gros stage à l'appart. Ils sont en train de le renforcer. Ben, ils ont eu un spectacle d'ailleurs de danse baladie avec 15 danseuses sur scène. Donc, ça a été déjà testé un peu. On ne le défoncera pas. Puis, il y a les membres du Lake of Stew qui seront là. Je peux les nommer aussi. Ouais, vas-y, parle-nous d'eux. OK. Bon, OK. J'ai pas mes informations. Ah, attends. Il y a. C'est un beau livret bien produit, je trouve. En tout cas, mon album de Lake of Stew, je trouve ça joli. OK. Ouais. Oui, moi aussi. Ouais. Bon, je pensais que c'était écrit ici, mais je vais aller de mémoire. OK. Et Daniel McKennell, j'ai pas son nom devant moi, mais il joue, il chante tous et il joue des instruments à cordes aussi. Lui, il joue le gazou, la mandoline, peut-être le ukulélé aussi. Et il y en a qui jouent de la musique à bouche. Il y a Richard Rigby et Mike Rigby, deux frères, qui jouent dans le groupe. Tout le monde chante, ils ont leur propre composition. Et aussi, il y a Dina Cindric, qui est d'origine croate, comme moi. Elle joue de l'accordéon, le banjo, elle chante aussi. Julia Narveson, qui joue le washtub bass, la couvette, la contrebasse artisanale, si on veut. Et aussi, je pense que... il y a Brad Levio aussi, qui chante beaucoup des tunes. Et il joue la guitare slide et d'autres instruments à cordes. Si vous voulez voir un petit peu comment le groupe joue, il y a un vidéoclip pour la pièce « We Spy ». Et puis on les voit jouer là-dedans. C'est un clip rétro filmé avec des vieilles caméras, je ne sais pas comment tu appelles ça, les cassettes. Je pense qu'ils trippent beaucoup sur la vieille technologie aussi. Ça a peut-être filmé en Super 8. Puis ils vendent des cassettes aussi qui ont été enregistrées sur une enregistreuse Fisher-Price. Donc, ils sont vraiment la vieille musique, ils ont tout ça, ils trippent sur les vieilles choses aussi, c'est accessible, puis c'est ça, c'est, ils véhiculent avec vraiment les valeurs de cette musique aussi, c'est très communautaire, c'est très inclusif aussi, mm-hmm. là, tout le monde embarque. Participatif. Ouais, j'aime ça. Il y a aussi une performance pour emporter la série des Takeaway Shows de la Blogothèque, si vous connaissez ça, en tout cas, c'est vraiment le fun. Alors, c'est une petite série de où ils filment un groupe en train de performer dans une place qui n'a pas rapport avec eux autres, et là, ils jouent au hockey là-dedans, donc c'est vraiment cool. C'est toi qui leur as proposé de revenir à Trois-Rivières après les avoir rencontrés, comme on disait tantôt. Oui. J'ai entendu dire que quelqu'un qui va être là, présent, au spectacle, et là, j'annonce un assez gros, là, tu sais, le cowboy de Trois-Rivières. Oui, je crois que oui. Je me suis mis activement à sa recherche. J'ai parcouru la ville. Des fois, il est très facile à trouver. Il semble être partout en même temps. Mais là, ça m'a pris un peu de temps avant de le croiser. Mais vendredi passé, là, c'était comme à la fin de la journée. Là, la lumière commençait à sombrer un peu. Puis là, je vois une silhouette qui arrive sur l'autre bout du boulevard Royal. Puis c'est le cowboy. Le shaker, là. Puis là. J'ai tiré un billet. J'ai dit, monsieur le cowboy, j'ai affaire à vous. Je vous invite à ce spectacle-là. Il semble être ravi de cette offre-là. Donc, j'espère bien le voir là. Donc, oui. Il va avoir de l'ambiance en masse, je crois. Oui. Ouais. C'est sûr. Et s'il est là, ça va en rajouter encore. Oui. Wow. Cowboy de Trois-Rivières, qui, je pense que c'est comme les fraises. Hein, t'attends la saison. Puis là, à un moment donné, il est tout le temps là. Ouais. Sinon, ouais. OK, oui. Les légendes aussi. Le country, c'est basé beaucoup sur les légendes. Les futures légendes aussi du country local. Ça va tout se rassembler là. Les planètes vont s'aligner. Où est-ce qu'on peut se procurer les billets pour le spectacle de Lake of Stewie? Ben là, il reste pour la pré-vente. Il reste juste un jour parce que le spectacle aura lieu demain soir. Le show commence à 9h. Ce sera à l'appart. La galerie d'art de l'appart à 45 rue Saint-Antoine. Mm-hmm. Pour les billets en pré-vente, il y en a à l'appart même, il y en a au Panetier et il y en a à vendre aussi au Cégep, au pavillon des humanités, au café L'Arôme. Oui, le beau petit café. Et les gens qui veulent plus d'informations, il y a une page Facebook aussi. Si vous tapez Lake of Stewie et Daniel, ça tombe pas mal sur la page sur Facebook. Ouais. Billets, tu disais 10$. À la porte le soir du spectacle. Aussi, pour plus d'informations, lakeofstew.ca pour Lake of Stew. Et puis pour Daniel, on disait que c'était sur daniel.com ou myspace.com. Pas de MySpace. Trop d'informations pour moi en même temps. C'est une autre affaire trop compliquée. Ouais, ben, mais hein! En plus, mixer ça à radio des pièces sur MySpace, ça marche pas pour tout. Fait qu'il y a un autre petit moment de silence. Comme ça, moi, je trouve que c'est avec vous autres, juste avec vous autres. Je fais pas ça avec tout le monde. Okay. Wow. C'est juste... Faut-tu qu'on en est choyé? Oui. Ouais. Hey. Ben, vous autres, vous avez amené des poids. Ouais. Des poids, oui. J'ai le poids de mes convictions ici. Fais un bruit avec les poids dans le micro. Ça va être ça notre moment de silence. Cool. Hey, wow, tu devrais faire ça pendant le show, par exemple. Ouais, vraiment. Sur la planche à laver. Oui, ben oui. Pendant combien de temps on peut faire ça, tu penses, avant que... Oh, OK. Avant que moi, je vire folle. C'est ça. Comment je déteste les moments de silence. Non, on n'aura pas de performance en direct de vous. Donc, en fait, il y a un lien avec la planche à laver puis des poids parce que ça vient de la musique Zarico de la Nouvelle-Orléans. Ils jouent ça. Puis Zarico, ça vient de l'expression « les haricots sont pas salés », donc c'est toujours des légumineux qui reviennent. Wow. Bon. Là, je l'ai moins compris, mais... On s'en parlera plus tard. Ça compte pareil. Ouais. Donc, spectacle à l'appart 45 Saint-Antoine, c'est demain vendredi. Pour ceux qui nous écoutent en direct le jeudi, c'est demain, ça commence à 21h. Oui. L'appart, centre-ville, très très belle place, très grand. Et j'aime ça, il y a vraiment de la place pour eux. J'ai choisi ça parce qu'il y a de la place pour bouger. Puis en plus, vu qu'ils aiment ça de faire des choses à l'ancienne, ils préfèrent, Lake of Stew préfère jouer des spectacles où ils ne sont pas micés, pas d'amplification, où on peut vraiment entendre les instruments puis les voix comme elles sont. Donc, il n'y aura pas d'amplification pour eux. Mais à 6, quand ils chantent en même temps, ils jouent, on entend ça très bien. Parfait. En plus, quand l'audience se met à chanter aussi, là... On invite les gens à venir faire la fête avec vous autres. Oui. Et avec le cowboy, on espère. On ne mettra pas juste l'accent là-dessus non plus, comme si c'était la seule raison d'y aller. Du tout. Quand même. Une raison de plus. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, un bonus. Oui. Je pense. On va mettre le paquet, en tout cas. Ouais. le paquet de poids. On va faire le poids. Oui. C'est vrai. Une pièce de Les Costauds qu'on va aller entendre tout de suite. Est-ce que tu en avais une en particulier ou... C'est à ton choix, là. Okay. Je les aime tous, là. Et... On va y aller avec la pièce qui était dans le palmarès de C'est fou pendant un bon bout. Parce que sérieusement, Les Costauds est resté assez longtemps sur le palmarès. Mm. Donc, on va l'écouter Mean Shaking Mama. Et en vous remerciant, Robert et Dan. Merci. Je vous remercie. À demain. Bon. Shake It Mama par Lake of Stew à Assemblage Requis sur C'est fou. Et on vous rappelle une dernière fois le spectacle, c'est demain soir, vendredi le 14 mai à l'appart au 45 Saint-Antoine. Les billets, en fait, vont être 10$ à la porte le soir du spectacle. Il reste, on me disait, une journée pour la pré-vente. Ouais. C'est à la boulangerie artisanale Le Panetier, au Café Larôme du Cégep de Trois-Rivières, au pavillon des Humanités et puis à la galerie d'art à l'appart. Et on a deux billets à faire tirer. Hein? Oui, tout à fait. Si vous nous appelez dans les prochaines secondes, surtout que la prochaine pièce va jouer au numéro de téléphone en studio, 819-376-5183, 819-376-5183. On a une paire juste pour vous. On écoute tout de suite du Kate Nash. Oui, avec la pièce Paris tirée de son dernier album, My Best Friend Is You. Ah, merci. You'll never listen to me.

Vous écoutez toujours Assemblage Requis avec Mathieu et Stéphanie, l'émission estivale en pièces détachées. On vient d'entendre la pièce Not a Love Song de Ha Ha Her et on a le Husky en entrevue. En direct comme ça par téléphone. Bonjour, Yannick Duguay. Salut. Aussi connu sous le nom du Husky, ça va? Oui, ça va bien. Merci d'être à l'émission Assemblage Requis aujourd'hui. Super gentil. Merci, de rien. ton deuxième album, La Fuite, vient de sortir récemment. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cet album-là, s'il te plaît? Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir tout ce que tu veux sur l'album, dans le fond. Peut-être commencer par le classique là, que tu dois être allé d'entendre comme question. La différence avec ton précédent chanson moderne pour Ciné Chromantique, qui lui date de 2007. Donc, l'évolution, tout le monde dit que c'est moins sombre, et plus ci, puis moins ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moins sombre, oui, probablement vrai, parce que c'était un peu l'idée de... Quand j'ai commencé à travailler sur ce disque-là, je voulais disons, prendre mes distances par rapport au thème qui était abordé dans le premier. C'était assez intense par moment, oui. Pardon? C'était assez intense par moment. Ouais, c'est ça. C'était plus cru, plus dans ta face. Je suis allé, mais pour le deuxième album, faire quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, poétique, métaphorique, du côté de l'imaginaire... Même les arrangements sont peut-être un peu moins mon interface aussi, tu sais. Puis c'est ça. Je voulais que ça marque une bonne différence avec le premier disque, je pense, assez réussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme musique en général, en tant que personne, toi-même? En fait, je sais pas ce que tu pourrais dire en tant que quoi d'autre que tu pourrais être, en tant qu'animal, peut-être. En tant qu'animal, ouais, c'est ça. Je sais pas. Dernièrement, le dernier vrai coup de cœur que j'ai eu, c'est de XX. OK. Groupe de Grande-Bretagne. Excellent, planant, mélodique, un peu dark. J'ai super aimé ça. Sinon, j'écoute pas beaucoup de musique dans ce temps-là. Je me suis remis à composer de la musique. Dans ce temps-là, j'en écoute pas. Mm-hmm. Quand j'écris, j'aime ça être seul avec mes affaires. Puis, Pas te laisser influencer par les autres, dans le fond? Ben, en fait, c'est impossible de pas se faire influencer par les autres. Oui, il y a ça. Il y a de la musique partout, puis tout ce que tu as écouté dans ton passé t'influence de toute façon. T'sais. Fait que moi, j'aime ça aussi savoir ce qui se fait, où est-ce que ça s'en va, surtout la scène plus alternative, ce qu'on appelle l'indie maintenant. T'sais. J'aime ça voir c'est quoi les influences de ce mouvement-là, vers où ça s'en va, qu'est-ce qui se passe, puis me tenir au courant. T'sais. Mais après ça, une année, je prends mes distances, puis je fais mes affaires à moi, puis j'essaie de développer mon son. Mm-hmm. Tu parlais de DXX, on aurait tendance à penser, vu que tu écris en français, que tu écoutes plus de francophones. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand tu en écoutes de la musique, là, est-ce que tu écoutes plus de francophones ou d'anglophones? Ben, moi, j'aime les bons disques. Ben oui. qu'ils soient écrits en anglais, c'est sûr qu'il y en a plus en anglais à cause que juste 100 fois plus de monde qui écrivent en anglais. Fait que des bons albums, c'est plus facile d'en trouver en anglais. Mais bon, vu que je suis québécois puis que je suis francophone, ben j'essaye quand même de faire mes recherches pour essayer de trouver des bonnes affaires du côté francophone aussi. Fait que j'ai eu mes influences francophones comme tout le monde. Des choses que j'aime, des choses que j'aime moins, mais comme mettons, j'aime beaucoup avec podcast. Okay. Je trouve qu'ils ont une démarche singulière. Ils écrivent de super bons textes. Je suis assez exigeant, tu sais. Fait que faut que ce soit comme vraiment bon pour que je me dise, pour que je préfère écouter un disque québécois qu'un disque britannique, mettons. Faut que ça accote, tu sais. Parce que je vois pas, je veux dire, il y a tellement de choses à écouter que je trouve que je ferais pas du favoritisme juste pour faire plaisir à un artiste pour écouter ce qu'on dit. Fait que faut qu'il accote l'album anglophone. Sinon ça m'intéresse pas, t'sais. Mais il y en a quand même, t'sais. Sur ton dernier album, tu as travaillé avec Fanny Bloom. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là? En fait, j'ai vu La Patère Rose en premier il y a une couple de mois. Mais en fait, ça fait un petit bout, là, parce que c'était avant qu'ils sortent leur premier album, avant même qu'il y ait une compagnie de disques qui avait joué au Vert-Bouteille à Montréal. J'étais allé les voir, puis j'avais vraiment aimé ça. Puis je leur avais écrit sur MySpace, puis je les avais félicités, puis tout ça. Ça a été le premier contact. Eux autres, ils me connaissaient déjà. Puis après ça, ben un peu plus tard, ben ils ont signé un contrat de disque avec la même compagnie de disque que moi, Grosse Boîte. Puis là, ben à cause de ça, ben moi je les voyais un peu partout, on se croisait souvent, on a beaucoup d'amis communs, fait que c'était facile. À un moment donné, j'ai demandé à Fanny, j'ai dit, attends-tu de chanter sur une toune, c'est un dialogue, j'ai besoin d'une fille pour ça. Puis elle a dit oui sans hésiter, puis ça s'est fait très simplement. Très bon choix pour une voix de fille, d'ailleurs. Quand tu passes une bonne voix de fille, c'est clairement la Panthère Rose, pour vrai. Pour une très bonne voix. Mais c'est pas la seule collaboration sur l'album La Fuite. Tu as travaillé avec des artistes quand même assez connus dans le milieu de l'underground, entre guillemets, québécois, le indie, si on veut. Avec qui est-ce que tu as travaillé? Est-ce que tu peux nous mentionner quelques noms? Tu pensais-tu à quelqu'un en particulier, là? Ah, ben, quelques-uns. Ouais, OK. j'ai travaillé avec... Il y a beaucoup de chansons qui ont été co-écrites. Oui. Donc, j'ai fait... j'ai travaillé avec Alexandre Champigny, Alexandre Belliard, mm-hmm. Marie-Hélène Poitras, des gens qui sont dans, un petit peu dans le même milieu que moi, mais sauf Marie-Hélène qui est une écrivaine, en fait, qui est une amie aussi à moi. Là, on a décidé d'écrire une chanson ensemble, c'est super bien passé. Donc, je parle de Chambre Noire. Mm-hmm. Sinon, Alexandre Belliard, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant une résidence d'écriture qui a eu lieu pendant le festival de Granby. En fait, j'ai été invité à participer à une résidence dans un vieux manoir. On était là pendant une semaine, puis on écrivait des chansons là, avec des Européens. Lui, je l'ai rencontré là, puis on a décidé d'écrire une tournée ensemble, rendu là-bas. Sinon, c'est pas mal ça. Des collaborations, il y en a pas mal. Puis c'est un peu l'idée de vouloir me distancier un peu du style de mon premier album, d'écrire avec d'autres personnes pour un peu changer les thèmes, tu sais, puis avoir d'autres influences, puis ça va marcher, je pense. Ouais. Tu vas être au Francophonie avec Tricot Machine cet été, c'est ça? Ouais. Vous vous connaissez bien, est-ce que vous avez été matchés? Est-ce que c'est l'un qui a demandé à l'autre de faire quelque chose ensemble ou quoi? Ben encore là, c'est une affaire de compagnie de disques un peu, parce qu'ils sont avec Grosse Boîte eux autres aussi. Ça s'est fait un peu naturellement. Ceux qui bookent les shows pour la compagnie de disques, ben en fait, ceux qui bookent mes shows, c'est ma compagnie de disques aussi qui boucle avec mon booker. Okay. Fait qu'ils ont décidé de faire un match là, avec. Ils m'ont demandé si ça me tente de faire un match là, avec Tricot Machine, puis j'ai accepté là, deux soirs à l'Astral, le 18-19 juin. Okay. C'est un bel fun. Oui, ben oui. Pour ceux qui t'ont manqué à Trois-Rivières récemment, parce qu'il faut le dire, tu étais de passage à Trois-Rivières récemment, et on t'a manqué à ce moment-là ici. Ouais. Ben oui, hein. Force de circonstances. Mais pour ceux qui ont manqué le spectacle et qui veulent te revoir ailleurs, il y en a d'autres qui s'en viennent, j'imagine. Ouais, dans ce coin-là, honnêtement, Val-David, qui n'est pas vraiment dans ce coin-là, ouais. Pantoute. Ah ouais, ceux qui aiment ça, ils peuvent se rendre là. Tu veux vraiment, ben oui. Sinon, ouais. Val-David, le 15 juin, le 15 mai, excuse, okay. Dans deux jours. Mm-hmm. Sinon, ça va pas. Parce qu'il y a des shows qui ont été annulés. On a un show à Joliette qui a été annulé parce que la salle a fermé. Ah. C'est complètement hors de notre contrôle. Mm-hmm. Qui avait lieu au mois de juin. Sinon, ça va. On va au Francophonie le 18-19 juin là, à l'Astral. Okay. Puis après ça, moi, je prévois faire quelques shows à deux peut-être pendant l'été des spectacles au Clubbar à Montréal. Je suis en train de checker ça. C'est pas encore officiel, mais bon, ça risque pas mal de se faire. Mm-hmm. Sinon, ça va à l'automne après. Nous, on va être au FME, Festival de musique émergente en Abitibi. Le 5 septembre, puis un autre show à Montréal au mois de novembre, là, on commence à être loin. Là. Ok, ouais, c'est ça. Sinon, les dates sont sur ton site et puis ton MySpace. Tout ça, sur MySpace, toutes les dates sont là, toujours. Là. Ouais. Moi, j'étais allé te voir, justement, tu me fais penser à ça. Hein? Tu dis que tu étais supposé aller faire un spectacle, la salle a fermé. La salle où je t'ai vu à Trois-Rivières la dernière fois, c'était au Charlot, puis la place est fermée depuis. Fait que là, il y a quelque chose. Ah, okay. Tu fais fermer. Ouais, okay. Quelque part, la salle ferme. Ouais, non, mais c'est vraiment le fun. Est-ce que tu as encore ton instrument que tu soufflais? C'est quoi? Qu'est-ce que tu faisais avec ça déjà? Je pense que tu soufflais dedans. Le Melodica? C'est ça, le Melodica. Exact. Ouais. C'est le fun, ça. Ben oui, c'est le fun. C'est un beau son. C'est ça, la jouer. Ouais. C'est la référence que je peux faire ici. Donc, on va se tenir au courant sur ton site et sur ton MySpace. Est-ce que tu veux choisir une pièce de ton album, La Fuite, pour se quitter? Oui, tu veux mettre La Maison Hantée. OK, ben ça tombe bien parce que c'est celle qui est sur le palmarès de C'est fou en ce moment. Ben, je sais. Bah, il sait comment, et là, je ne moins qu'un ski, me fait voilà. Dans le sens du poil. Hein? Non? Exactement. Combien de fois qu'on t'a fait par jour, celle-là? Hein? Elle est en quelle position? Ah, ben bonne question. Je sais pas par quoi. Ah, ouais, je sais. J'aime ça les bonnes questions. Ah, OK. Ouais. Je vais essayer de regarder ça vite, là. Je vais essayer de trouver ça. Je sais pas si on l'a ici. Sur Internet. C'est pas la bonne feuille. Ouais. Non, c'est pas la bonne feuille, finalement. Mais de toute façon, peu importe la position qu'elle a, on pourrait dire que dans le palmarès de C'est fou, toutes les positions sont numéro 1. Ah, et tu es numéro 1 dans notre cœur. Je pense que ça aurait été plus cute comme voilà. Ça. J'aime mieux cette phrase-là. Merci beaucoup, Yannick Duguay, sinon connu sous le nom Dioski. Bye. Bye.

kill. En attendant que les fils se touchent et qu'immobile se couche, les corps après le grand choc qui viendra clore cette scène sur un fade out. Ariel est fringué pour le kill dans l'assemblage requis. L'émission estivale en pièces détachées. C'est déjà tout. Ben oui, c'est tout. Et t'as oui. T'as même, t'as sac de même. Là. Ben oui. On va quand même prendre le temps de se dire bye-bye. Et de dire que la spirale s'en vient avec Mathieu Leblanc-Houle dans quelques minutes. Donc, restez à l'écoute pour ça. Ça, c'est pour les auditeurs du jeudi. Ensuite, les auditeurs du samedi, eux, ben restez à l'écoute parce qu'à 21h, c'est le vestibule avec Jean-François Fecteau. Moi, Mathieu Leblanc, je vous retrouve au Palmarès, c'est fou, lundi 15h. Et puis, je vous rappelle que tout l'été, assemblage requis avec Stéphanie et moi-même. Hein? Ouais. C'est les jeudis entre 15h et 18h. On rappelle les samedis de 16h à 19h. Tu vas être là la semaine prochaine? J'espère. Je devrais être là aussi, à moins de circonstances hors de notre contrôle. Genre une panne de courant. Genre la semaine passée? Genre qu'on n'y a pas eu d'émission la semaine passée, mais on était supposé la faire pareil? Ouais. On l'a pas fait? Quelle déception. Ben, c'est de même. Donc, bonne soirée, bonne semaine. Allez voir sur assemblagerequis.com pour les liens d'émission d'aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion. On se quitte avec We Are Scientists. Ouais, et la pièce After Hours qu'on peut aussi retrouver sur une trame sonore quelconque que j'ai un blanc total. Ah ouais? J'ai un blanc de mémoire complet. Intriguant. Ouais, intriguant. Une émission de non, fille. Non, c'est un film. Ah, un film. Oui, c'est un film. Là, tu viens de me perdre, par exemple. Ah, too bad. C'est-tu des pierres à feu? Parce que là, je pourrais... C'était la pierre à feu. Non, c'est pas les pierres à feu. Non. Nick and Nora's Infinite Playlist. Quand voilà, même. C'est revenu. Ton blé était plutôt gris. Hein. Il est revenu vite, je trouve. Ouais. Hey, alors, bonne semaine, Stéphanie. Bonne semaine, Mathieu. Très bonne première, je trouve. Merci, toi aussi. Et ben, ouais.